الثمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما وعملا يا كريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معنا إن شاء الله اليوم الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله عرضه رواه مسلم. Donc aujourd'hui on va voir le hadith numéro 35. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous enviez pas les uns les autres, ne vous livrez pas à la surenchère, ne nourrissez pas de haine entre vous et ne vous brouillez pas. Ô serviteur d'Allah, soyez des frères, car le musulman est le frère du musulman, il ne doit pas le léser, ni lui faire défaut dans les difficultés, ni lui mentir, ni le mépriser. La crainte d'Allah se trouve ici, en désignant par trois fois sa poitrine. Le fait même qu'un musulman méprise son frère est déjà un mal. Toute la personne du musulman à l'égard de son frère est sacrée, tant sa vie que ses biens et son honneur. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim rahimahullah. Rawi al-hadith huwa Abu Huraira radiyallahu an wa marra ma'ana akthara min marra wa huwa Abd al-Rahman ibn Sakhr al-Dawsi. Abd al-Rahman ibn Sakhr al-Dawsi huwa ismu Abi Huraira radiyallahu an. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا لا تحاسدوا بمعنى يعني لا يحسد بعضكم بعضا لا يحسد بعضكم بعضا ففي هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن التحاسد وعن الحسد بصفة عامة فلا يجوز الإنسان أن يحسد أخاه المسلم وما هو الحسد؟ الحسد هو أن يتمنى المسلم زوال النعمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى للغير مثلا يعني تفضل الله سبحانه وتعالى على عبد من عباده فأعطاه مالا وأعطاه بنين وأعطى جاها وأعطى علما إلى غير ذلك من هبات الله سبحانه وتعالى فيأتي زيد من الناس فيحسده يتمنى أن الله عز وجل لم يعطي هذا الشخص لسبب من الأسباب هذا هو الحسد ويكون الحسد أعظم إثما إن كان يعني الحاسد يسعى في زوال هذه النعمة يسعى ويجتهد حتى تزول هذه النعمة وأكثر من ذلك إن كان يعني يسعى في زوال هذه النعمة وإلحاقها بنفسه إلحاقها بنفسه فكما تعلمون يعني كما فهمتم الحسد مراتب الحسد مراتب والحسد هو ذنب إبليس وذنب إبليس فإنه حسد آدم على عليه السلام على ما أعطاه الله من فضله فإن الله عز وجل أكرم آدم فخلقه بيديه أسجد له ملائكته عليهم السلام وأسكنه جنته وتفضل عليه بنعم كثيرة. فلما رأى ذلك إبليس حسد آدم وسعى بكل ما يستطيع في إخراجه من الجنة، لأنه ظن أنه أفضل منه. علاش إنه أفضل منه؟ ها؟ لأن الله عز وجل خلق آدم من تراب أو من طين، وخلق إبليس من نار، فرأى أن النار أشرف من الطين، ولهذا ظن أنه أفضل من آدم عليه السلام. والحسد صفة من صفات يعني من سبقنا من أهل الكتاب، ذكر ذلك ربنا في القرآن الكريم، فقال: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانهم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يعني حسد المسلمين على إيمانهم بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل من الكتب السابقة، فحسدوا المسلمين فسعوا بكل ما يستطيعون في إخراج المسلمين عن دينهم، والله عز وجل يقول في كتابه: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فغير يعني المسلمين من أهل الكتاب يسعون في كل ما يستطيعون في يعني إخراج وإبعاد المسلم عن دينه، ولهذا المسلم الذي يتمسك ويعني يكون ملتزما بما أنزل الله سبحانه وتعالى دائما يكون محسودا، و يعني تأتي عوامل خارجية تحاول يعني إبعاد المسلم عن دينه. المسلم عليه أن يتمسك و يعني يأخذ ويعض على ما جاء عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. وقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فالحاسد كأنه يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى، كما تعلمون رزق الإنسان مكتوب، قبل أن يولد. في صحيح مسلم أو في صحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن الجنين إذا مر عليه 120 يوما فإن الله عز وجل يرسل إليه ملكا ويؤمر الملك بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فالرزق مكتوب، والرزق أوسع من المال، الأبناء من الرزق، العلم من الرزق، الجاه من الرزق. فالذي يحسد المسلم على ما أعطاه الله من فضله كأنه يعترض على الله سبحانه وتعالى في قسمته. الله عز وجل يعني قدر هذه الأشياء تقديرا، الذي خلق فسوى، سبحان سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهذه الأمور كلها مقدرة من الله سبحانه وتعالى. وهناك يجوز للإنسان أن يغبط أخاه المسلم على ما أعطاه من الفضائل الدينية. مثلا شخص يعني يرى شخص آخر مثلا حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يتمنى أن يكون مثله، أو يرى شخص مثلا ينفق كثيرا من ماله في سبيل الله، فإنه يتمنى أن يكون مثله. هذه في الحقيقة لا تسمى حسدا، إنما تسمى غبطة. هذه تسمى غبطة. ولازم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين: رجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. فهذا يجوز لك أن تغبطه، أن تتمنى أن تكون مثله. أما في الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية، فإن ذلك لا ينبغي، لا ينبغي للمسلم أن يتمنى يعني المال، وكذلك يعني كثر البنين. الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي قصة قارون التي قصها الله سبحانه وتعالى في سورة القصص، لما فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. طيب، وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، لا تتمنوا هذا، لا ينبغي للمسلم أن يتمنى يعني هذا المال وهذه الزينة. ويلكم، ثواب الله خير، ثواب الله سبحانه وتعالى خير من ذلك كله. فالمسلم يجوز له أن يغبط المسلم في الأمور الدينية، ولا ينبغي أن يغبطه في الأمور الدنيوية. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: ne vous enviez pas les uns les autres. Donc il nous interdit donc de nous envier les uns. Qu'est-ce que c'est que l'envie? L'envie ou la jalousie? Donc c'est le fait de voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné certaines choses à certains de ses serviteurs: de l'argent, des richesses, des enfants, de la science, également une réputation. Et donc le musulman, il envie cette personne. Quand on veut dire il l'envie, el hasad, ça ne veut pas dire qu'il voudrait être comme lui. Non, il voudrait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette personne disparaisse. Il voudrait que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette personne disparaisse. Tu veux que, tu vois ton frère qui est en bonne santé, tu veux qu'il tombe malade. Tu vois ton frère qui a beaucoup d'argent, tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala le rende pauvre. Tu vois qu'Allah a donné des enfants à un tel ou un tel, tu veux que tous ces enfants périssent, ayadan billah. C'est ça ce qu'on appelle en arabe al-hasad. Et c'est une très mauvaise qualité, ou un très grand défaut. Le musulman, il faut qu'il essaye de s'éloigner de ce défaut. Donc après avoir voulu donc que ce bienfait disparaisse de ton frère, il y a plusieurs personnes. Il y a des personnes qui veulent juste seulement que ça disparaisse. Il ne veut pas forcément que tous ces bienfaits viennent à lui. Et ça, c'est la pire des catégories. Pire encore que celui qui veut que avoir ça. Lui, ça ne le dérange pas de rester pauvre, mais il veut que son frère également soit pauvre. Il y a une autre catégorie qui veut que son frère devienne pauvre et que lui, à l'opposé, deviennent riches. Bref, le seul fait donc de vouloir qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse disparaître et retire les bienfaits qu'il a donnés à un de ses serviteurs, c'est ce qu'on appelle al-hasad. Et c'est une caractéristique donc des gens qui nous ont précédés parmi les gens du livre. Allah il dit dans le Coran: wadda kathirun min al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran. Beaucoup de gens du livre voudraient vous rendre mécréants après que vous ayez cru. La cause de cela, il dit hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum al-haq. Il dit car ils sont jaloux donc de l'islam après que la vérité leur soit apparue. Et Allah dit également: am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadlihi. Sont-ils jaloux, envient-ils les gens de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné par sa bonté? Car le musulman, il sait que ces richesses sont déjà prédestinées. Avant notre naissance, lorsque le fœtus il atteint 120 jours, Allah subhanahu wa ta'ala il lui envoie un ange. Un ange qui est chargé d'inscrire quatre choses, d'écrire quatre mots pour ce fœtus. Ses œuvres, la durée de sa vie, ajalé. Également, rizqé, c'est-à-dire ses richesses, et shaqiyun ou saïd. Est-ce qu'il sera parmi les gens bienheureux ou bien les gens malheureux? Parmi les gens du paradis ou bien parmi les gens de l'enfer? Donc, tout est déjà prédestiné. Tout ce qu'on va obtenir comme richesse dans notre vie, c'est déjà prédestiné. Donc la personne qui envie son frère, c'est comme s'il remettait en cause et il s'opposait à la distribution d'Allah subhanahu wa ta'ala de ses richesses. Allah, il donne à qui il veut parmi ses serviteurs. C'est comme si le musulman n'était pas d'accord de la distribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut que le musulman, il fasse preuve et il accepte cela, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Min darari al-hasad amara Allah subhanahu wa ta'ala bil-isti'adati min wa min sharri hasidi idha hasad. Allah subhanahu wa ta'ala, tellement le mal de la personne qui a envie est très grande, il nous a ordonné de demander protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre la personne envieuse et jalouse. Dans une sourate que tout le monde connaît, sourate Al-Falaq. Wa min sharri hasidin idha hasad. Tu demandes protection à Allah subhanahu wa ta'ala contre les envieux et les jaloux. Car donc ils peuvent atteindre la personne juste avec le mauvais œil. Allah Azza wa Jal dit à la fin de sourate An-Nun, wa iyyakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u adh-dhikr. Les gens donc qui ont mécru donc au Coran et à l'islam, ils sont proches de vous faire tomber, de vous faire glisser juste avec leur regard. Et il me semble on avait fait un discours sur le mauvais œil avec qissat Amir ibn Rabi'a et compagnon qui s'appelle La ilaha illallah, ça va me revenir. Un des compagnons donc s'était retiré pour se laver et un autre compagnon est passé et avait été étonné de la blancheur de sa peau, mais il n'avait pas dit Tabarakallah. Il avait dit, je n'ai jamais vu de peau aussi nette et aussi blanche et aussi pure. Et juste après cela, il est tombé raide, juste après cette parole. C'est alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc on en a informé, il a compris que c'était à cause du mauvais œil. C'est alors qu'il a ordonné à Amir ibn Rabi'a de laver certains membres de son corps et que l'eau soit versée sur cette personne. Je ne me souviens plus de son nom, et il s'est alors relevé. Bref, il a été atteint du mauvais œil. Et donc les personnes qui portent le plus de mauvais œil sont les envieux, donc il faut que le musulman demande protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre cela. Wala tanajashu. Fahadha nahi ani an-najash. Tayyib, wa ma huwa an-najash? Na'am. Wa ziyada fi thamani as-sila mimman la yuridu shira'aha. Mimman la yuridu shira'aha. طيب انا اتيكم مثلا بهذا الجهاز فاقول لكم من يشتري طيب ترفعون ايديكم ثم اقول بكم هذا يقول 100 هذا يقول 120 هذا يقول 130 مثلا فياتي شخص لا يريد الشراء لا يريد الشراء ويزيد في الثمن وهو لا يريد ان يشتري هذا الجهاز حتى ينتفع البائع أن يكون في الغالب اتفاق بيني وبينه إما أن ينتفع البائع أو يتضرر المشتري هذا حرام وهو ما يسمى بالنجش وهو ما يسمى بالنجش ومن الأسباب التي تفضي إلى البغضاء والشحناء بين المسلمين ولهذا بعد ذلك سيقول النبي صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا هذه الأمور تتنافى مع الأخوة بين المسلمين هذا هو النجش وإن وقع فإن جمهور العلماء يصححون البيع تكون البيع صحيح ولكن هذا الناجش آثم في فعله آثم في فعله. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم ensuite nous interdit ce qu'on appelle النجش. Ici ils l'ont traduit par la surenchère. النجش c'est lorsqu'une personne fait augmenter le prix d'une marchandise alors qu'il ne veut pas l'acheter. Je vous donne comme exemple, admettons, je viens, je vous dis, qui veut acheter cet appareil? Certains veulent l'acheter et ils proposent leur prix. 100 euros, 150, 100, 110, chacun propose des prix différents et en général, le vendeur le donne à celui qui a proposé le prix le plus élevé. Donc, il y a une personne qui vient, une personne extérieure, avec qui j'ai conclu un accord, il vient, il fait augmenter le prix. Lorsqu'il entend une personne dire un prix, il propose plus pour faire augmenter le prix de la marchandise, alors que lui, à la base, il ne veut pas l'acheter. Il veut juste que le prix augmente afin que moi, j'en tire un profit. Ou bien que l'acheteur soit lésé. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc al-najash. Et c'est interdit donc en islam. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'interdit. Et également, c'est contraire à la fraternité entre les musulmans. Et ça emmène à la haine et à l'animosité entre les musulmans. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire ensuite, soyez des frères aux serviteurs d'Allah, soyez des frères, car le musulman est le frère du musulman. Donc toutes ces choses-là sont en contradiction avec la fraternité qui doit être entre les musulmans. Donc ça, ce qu'a retenu, ça s'appelle al-najash. Al-najash. Wala tadabaru. أو قبل ذلك ولا تباغضوا يعني أن يبغضوا المسلمون بعضهم بعضا هذا كذلك منهي عنه بل أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالمحبة والمودة فيما بينهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله المسلم يحب أخاه لله سبحانه وتعالى لكونه مسلما لا تحب هذا الشخص لأنه يعني أحسن إليك أو أنه أعطاك كذا وكذا أو أنه يبتسم أو إلى غير ذلك لا تحب أو بكونه يعني من نفس البلد لا تحب هذا الشخص لأنه مسلم وإن كان في أقصى المشرق المسلم يحب أخاه المسلم في العالم كله وإن لم يره الآن مثلا المؤمن المسلم نحن نحب الأنبياء هل أحد منا رأى نبيا؟ لا نحب الصحابة رضي الله عنهم وإن أحد منا رأى الصحابة رضي الله عنهم لا ولكن لما نسمع عن أفعالهم وجميل خصالهم ومعتقداتهم وجهادهم ويعني تضحياتهم لأجل الإسلام نحبهم قد أحب يعني أو أحب الصحابة أكثر من أحب أمي وأبي لأن إيمانهم أعظم وأعلى مفهوم؟ المسلم يحب المسلم حسب ما معه من الإيمان ولا إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تباغضوا فالبغضاء المنهي عنه هو البغضاء لأجل أمور دنيوية لأجل أمور دنيوية لا يجوز لك أن تبغض أخاه لأجل أمر ديني لأجل أمر دنيوي عفوا ولكن لأجل الدين هل يجوز لك أن تبغض أخاك طيب الناس أقسام من الناس من نحبهم حبا خالصا مثل من؟ مثل الأنبياء، مثل الصحابة، مثل الصالحين، مثل الأتقياء، مثل العلماء، نحبهم حبا خالصا، ليس لنا عندنا يعني أدنى بغض تجاههم. لماذا؟ لما نسمع من أفعالهم، مفهوم؟ ومن الناس من نبغضهم بغضا خالصا وهم كفار، نبغضهم بغضا خالصا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وهم وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة، فنهى الله سبحانه وتعالى عن المودة. وهناك قسم ثالث نحبهم من وجه ونبغضهم من وجه، وهم عصاة المسلمين. نحب مثلا زيدا من الناس لأنه مسلم، لا بد أن يكون أصل المحبة فيما بيننا، ولكن إن كان الشخص مثلا يعني يعصي الله سبحانه وتعالى ويرتكب بعض الذنوب ومثلا يكون عنده بعض البدع والمحدثات، نحبه لإيمانه وما يفعله من الخير ونبغضه لما يرتكب من الشر. مفهوم؟ مفهوم هذه الأقسام الثلاث؟ هناك من نحبه بعض حبا خالصا، وهناك من نبغضه بغضا خالصا، وهناك من نحبه من وجه ونبغضه من وجه. وكذلك البغض الخالص لا يمنع من حسن المعاملة والإنصاف. الله عز وجل يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. فالذي لا يحارب الإسلام والمسلمين، المسلم أن يتعامل معهم يعني بحسن المعاملة. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. فإنسان يكون عادل حتى مع العدو، المسلم يكون عادل مع صديقه ومع عدوه. فالعدل أمر الله سبحانه وتعالى به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite: ne nourrissez pas donc la haine entre vous. Donc il ne doit pas y avoir de haine entre les musulmans. Donc à l'opposé, il doit y avoir donc de l'amour entre les musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Et dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam également: il y a trois choses, si elles se trouvent dans le musulman, trois qualités, si le musulman acquiert trois qualités, il goûtera alors la saveur de la foi. Halawat al-iman. La première chose: an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhim ma siwahuma. Qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que toute chose. Aimer Allah et son prophète plus que toute chose. Le fait que tu aimes un homme que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Aimer un homme que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisième: an yakraha an ya'ouda fil kufri ba'da id anqadahu Allah min kama. Également le fait que le musulman déteste le fait de retourner vers la mécréance après qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'en ait sauvé, du même dégoût que s'il avait été jeté en enfer. Donc c'est fort comme dégoût, le fait que la personne déteste le fait de sortir de l'islam comme s'il détesterait être jeté dans l'enfer. Iyadan billah. Ce qui nous intéresse, c'est la deuxième partie, le fait d'aimer une personne pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'aimes pas une personne parce que il t'a donné des cadeaux. Tu n'aimes pas une personne parce que vous avez les mêmes loisirs. Tu n'aimes pas une personne parce que il a la même origine que toi. Non, tu aimes une personne parce que c'est un croyant. Et que peut-être tu peux aimer une personne plus que ton propre frère si sa foi est plus élevée que la foi de ton propre frère. Inna akramakum indallah atqakum. Lorsque l'on lit l'histoire des prophètes alayhimus salam ou bien l'histoire des compagnons radiyallahu anhum, on se rend compte qu'ils avaient une foi plus élevée que la foi de nos propres parents ou bien de nos propres frères. Donc on les aime encore plus que notre propre famille. C'est-à-dire on aime la personne en fonction de sa foi. On aime la personne en fonction de sa foi. Pas en fonction de son origine, pas en fonction de sa taille, pas en fonction de sa réputation. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire. Donc les gens, ils sont de trois catégories. Il y a une catégorie de personnes que nous aimons d'un amour pur. C'est-à-dire il n'y a aucune haine pour ces gens-là. Comme les prophètes, comme les compagnons radiyallahu anhum, comme les gens vertueux de l'islam, les pieux prédécesseurs, ou bien les savants de l'islam, le ulama. Ces gens-là, on les aime d'un amour pur. Nous n'avons aucune haine pour ces gens-là. Ensuite, il y a des gens que le musulman déteste, d'une haine pure. Ce sont donc les gens qui ont mécru donc à l'islam. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit cela, il nous dit ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq. Allah il dit ô gens qui avaient cru, ne prenez pas mon ennemi et le vôtre comme alliés. Vous faites preuve à leur égard d'amour alors qu'ils ont mécru à ce qui est venu à vous comme vérité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit donc d'avoir de l'amour. L'amour c'est une chose intérieure. C'est une chose intérieure. Et la troisième catégorie de personnes, c'est les personnes que on aime donc d'un aspect et qu'on déteste d'un autre. Ce sont la majorité des musulmans. Le musulman qui possède de la foi et qui possède en même temps des péchés. Donc on l'aime pour la foi qu'il possède, pour les bonnes œuvres qu'il fait, et on le déteste d'un autre côté pour ce qu'il fait comme désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Autre détail très important, la deuxième catégorie que nous venons de citer, donc les gens que le musulman donc déteste intérieurement parce qu'ils n'ont pas voulu croire au message qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, cela n'empêche pas les bonnes relations et le bon comportement à avoir avec la personne qui a un bon comportement avec le musulman. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la même sourate d'ailleurs: La yanhaakum Allah 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah ne vous interdit pas en ce qui concerne les gens qui ne vous ont pas combattu ou bien sorti de vos maisons d'être bon avec eux et juste. Que le musulman toujours il soit juste et bon. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Donc le musulman toujours il a toujours un bon comportement avec tout le monde. À partir du moment où la personne ne le combat pas, le musulman il ne combat pas. En ce qui concerne ce qu'il a à l'intérieur dans son cœur, ça c'est autre chose. Il peut y avoir une haine intérieure et un bon comportement à l'extérieur afin donc de réunir tous les textes. De pouvoir réunir tous les textes. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قبل ذلك فإن الله سبحانه وتعالى ينهى كما هنا عن كل سبب يؤدي إلى البغضة والكراهية بين المسلمين ولهذا نهى عن الخمر والميسير والأنصاب والأزلام. قال تعالى إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فمن الأسباب التي من أجلها حرمت الخمر وحرم الميسير أنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين. ولأجل هذا يعني نهى الإسلام عن هذين الأمرين. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولا تدابروا. ولا تدابروا. التدابر هو الهجر وهو التقاطع، أن يهجر المسلم أخاه المسلم، فهذا منهي عنه. وكلكم يعرف الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فيلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فوق ثلاث. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى ما يسمى بالإصلاح بين يعني المتخاصمين. قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يأمر بالإصلاح. وقال تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله عز وجل يريد أن يكون المسلمون إخوانا، فأنت تحب هذا الشخص كما تحب أخيك الشقيق. هذا الذي يريد منا الإسلام. وكذلك تخيلوا معي أن الله سبحانه وتعالى وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح كبيرة من كبائر الذنوب لأجل الإصلاح. يجوز لك أن تكذب لأجل الإصلاح بين رجلين. لو أن زيدا وعمر وقعت بينهما خصومة فتهاجر، يعني هاجر زيد عمرا، يجوز لك أن تذهب إلى عمر فتقول له والله إن زيدا يحبك ويثني عليك ويمدحك، وتذهب إلى زيد وتقول له إن عمرا يثني عليك ويحبك حتى تصلح بينهما. هذه الحالات التي أباح الله سبحانه وتعالى الكذب، وكبيرة من كبائر الذنوب. إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ألا لعنة الله على الكاذبين كما قال الله سبحانه وتعالى. ولكن لشدة أمر الإصلاح أباح الله سبحانه وتعالى الكذب لأجل الإصلاح بين المسلمين. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في السنن ألا أخبركم بأفضل من درجات الصيام والقيام والصدقة. ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة. قالوا بلى يا رسول الله أخبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم إصلاحوا ذات البين. إصلاحوا ذات البين فإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، يعني تستأصل بالدين ولا تترك منه شيئا. يعني البغضة والعداوة بين المسلمين لا تترك من شيئا. تخيلوا أن بعض الناس الآن يهجر المسجد لأنه له خصومة مع الشخص يصلي في ذلك المسجد. هذا موجود. طيب ماذا يبقى من دينه؟ شخص يهجر المسجد سنين لا يصلي صلاة الجامعة، لا يصلي حتى الجمعة لأن في هذا المسجد شخص معه، يعني بينه وبين هذا الشخص خصومة. أن شخص يضيع دينه لأجل الخصومات مع الناس. ولهذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمحبة وعدم التدابر. طيب، إذن لا يجوز للشخص أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذه في الأمور الدنيوية، هذه في الأمور الدنيوية، ولكن لأجل الأمور الدينية يجوز للإنسان أن يهجر أخاه بدون حد، ولكن بشرط أن يكون في ذلك الهجر مصلحة، أن يكون في ذلك الهجر مصلحة، كما قال سبحانه وتعالى بالنسبة للزوج: واهجروهن في المضاجع. مثلا تكون خصومة بين الزوج وزوجته، فإنه يهجر امرأته حتى يعني ترجع، حتى ترجع إلى صوابها. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر بعض الصحابة، هجر بعض الصحابة، قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. هناك ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم تخلفوا عن غزوة تبوك. تبوك وقعت سنة التاسعة، غزوة تبوك في سنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك استنفر الصحابة، من أن أمرهم بالخروج الجهاد في سبيل الله لمقاتلة الروم، لمقاتلة الروم في مكان اسمه تبوك. فين تبوك؟ فين؟ في الحدود السعودية الأردنية الآن، تبوك في الشمال. فخرج الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلف المنافقون، وتخلف المرضى والذين لهم عذر، وتخلف ثلاثة ليس معهم عذر: كعب بن مالك، وهلال ابن أمية، ومرارة ابن ربيعة، هم الثلاثة الذين تخلفوا. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، جاء المنافقون يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحلفون له، فيأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم. فلما جاء كعب اعترف أنه ليس له عذر للتخلف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أني امضي حتى يقضي الله سبحانه وتعالى في أمرك. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهجر هؤلاء الثلاث شحال؟ 50 ليلة. 50 ليلة هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أحد يسلم عليهم ولا يكلمهم 50 ليلة، أن يمرون في المجتمع المسلم الإسلامي ولا أحد يكلمهم، كأنه غير موجود. حتى أمر امرأة كعب بن مالك بهجره، وترك يعني نساء يعني الصحابيين الآخرين، يعني هلال بن أمية ويعني مرارة بن ربيعة، لأنهما كانا يعني كبيرين، كانا كبيرين، فلا إشكال في ترك نسائهما عندهما. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هجرهما 50 ليلة. طيب، فوق الثلاث إذن، ولكن لأنه لأجل الدين، لسبب ديني. إن كان الهجر لسبب ديني وفيه مصلحة من الرجوع إلى الحق والرجوع إلى التقوى، يجوز للإنسان أن يهجر أخاه. ولكن يعني كما قلنا أن الهجر إذن مثل الدواء أحيانا، وفي لا سيما في زماننا، في غالب الأحيان يعني لا مصلحة في الهجر ولا لا. طيب، الآن شخص يشرب، قل أنا لا أكلمك، لا يرجع في غالب الأحيان، فهذا الشخص تبقى معه وتصبر وتنصحه، مفهوم؟ فالإنسان يعني يجتهد ويرى حسب الشخص، هل الهجر ينفع مع مثلا الهجر ينفع مثلا الأب مع ولده ولا لا؟ الشيخ مع تلميذه، الزوج مع زوجه، مفهوم؟ ولكن في عند بعض الناس لا ينفع، الأخ مع أخيه مثلا ينفع الهجر. فالإنسان يعني يتأمل وينظر هل هذا الهجر يعني يستفيد منه المهجور أم لا، إن كان يستفيد تهجره وإلا فلا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حدث حديثا، والحديث في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المسجد. ابنه، ابن عبد الله بن عمر، سمع ذلك من أبيه فقال: والله لأمنعهن، والله لأمنعهن، أنا غنعهم ما نخليهمش يمشوا الجامع. فغضب عبد الله بن عمر وسبه سبا سيئا، وفي رواية أنه قال له: لعنك الله، أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول والله لأمنعهن؟ كأنه معارض لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهجره إلى الممات، تركه إلى الممات. فكما قلنا، إن كان الهجر لأجل الدين يجوز له أن يكون أكثر، وكما قلنا إن كان في ذلك مصلحة. أما الهجر لأجل الأمور الدنيوية لا يجوز فوق ثلاث، لا يجوز فوق الثلاث. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم dit ensuite: ولا تدابروا، c'est-à-dire ne vous brouillez pas, c'est-à-dire ne vous, comment on peut traduire autrement que brouillez pas, là le fait de, voilà, le fait de rompre. Donc les musulmans, il peut y avoir une querelle entre eux. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit: ولا تدابروا, il ne faut pas que, ne rompez pas vos relations. Voilà, il ne faut pas rompre les relations avec le musulman. Surtout lorsque c'est pour un sujet de ce bas monde. Une querelle pour des pacotis de ce bas monde. Il nous dit: voilà tadaba. Car également, donc, cela va à l'encontre de la fraternité donc musulmane. Et pour nous montrer cela, que Allah subhanahu wa ta'ala veut que les musulmans donc soient soudés et frères et proches, Allah subhanahu wa ta'ala a même permis un péché qui fait partie des plus grands péchés pour réconcilier des musulmans. Al-Kadhib, le mensonge. Le mensonge, c'est interdit. Allah a dit: Ala la'natullahi ala al-kadhibin, que la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur les gens qui mentent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur. Le mensonge emmène à la perversité. Et la perversité emmène vers l'enfer. Et que l'homme, il ne cesse de mentir jusqu'à qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'inscrive parmi les grands menteurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que le mensonge est permis dans trois cas. Dans trois cas. L'islah dhat al-bay, pour réconcilier deux personnes qui seraient en querelle. Pour réconcilier deux personnes qui seraient en querelle, tu as le droit de mentir. Zayd est en querelle avec Amr, il ne se parle plus. Tu as le droit d'aller voir Amr et de lui dire: Zayd m'a dit du bien sur toi, il t'aime mais il ne sait pas comment se réconcilier avec toi. Tu peux aller voir ensuite Zayd et lui dire la même chose. C'est un mensonge, c'est pas vrai. Mais pour réconcilier ces deux personnes. Deuxième cas, on dit ça, il dit dans la guerre ou dans le hadith al-rajuli ma'a zawjatih. Donc également dans la guerre, également entre les deux époux, il y a droit dans certains cas qu'il y ait du mensonge. Donc le mensonge à la base, c'est interdit, donc à part dans ces trois cas qu'a permis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également: voulez-vous que je vous informe d'un degré plus élevé encore que celui de la prière, que celui du jeûne et que celui de sadaqa, de faire un don? Les compagnons radiallahu anhum dirent: oui, au prophète, informe-nous de cela. Il dit Islah wa dhat al-bayt, le fait de réconcilier les musulmans. C'est un degré encore plus fort que la prière, que le jeûne et que la sadaqa. Car la mauvaise entente entre les musulmans, il y a le haliqa. Le prophète nous dit c'est le haliqa. C'est-à-dire, elle rase. Il dit elle ne rase pas les cheveux, mais elle rase la religion. Lorsqu'il y a une mauvaise entente entre les musulmans, ils sont capables de faire n'importe quoi. Comme on a dit à titre d'exemple, il y a parfois des gens qui sont prêts à délaisser la mosquée pendant des années, délaisser la prière obligatoire, donc les prières, les cinq prières obligatoires, et même Jumu'a. Pourquoi si on lui demande, il dit dans la mosquée il y a un tel, on est en querelle tous les deux. Pendant des années tu laisses la prière à la mosquée à cause d'un tel, peut-être tu viens, tu fais la prière parce que tu vas même pas le rencontrer. Les années elles passent, ça se trouve la personne ne fait même plus la prière dans cette mosquée. Et lui il reste attaché donc à sa querelle, il a délaissé même sa religion à cause de cela. Donc c'est très important donc qu'il y ait une bonne entente entre les musulmans. Le prophète également il dit qu'il est interdit donc aux musulmans de se brouiller plus de 3 jours. Parce qu'il y a une querelle entre les musulmans, plus de 3 jours c'est interdit. Ils se rencontrent et les deux se détournent. Se détournent un tel et se détournent le second. Et le meilleur des deux est celui qui dira Assalamu alaikum à son frère musulman. Donc au-dessus de 3 jours, c'est interdit. Mais ces 3 jours-là, c'est pour une cause de dunya, de ce bas monde. Une cause de ce bas monde. Mais pour une cause religieuse, il est permis aux musulmans de s'éloigner de son frère plus que 3 jours. Afin donc de réunir, comme on a l'habitude, tous les textes. Sinon on va avoir d'autres textes, on va faire qu'est-ce qui se passe, on ne comprend plus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'année 9 de l'Hégire, il a combattu les Romains à Tabouk. Tabouk, donc c'est à l'heure actuelle au nord de l'Arabie Saoudite, proche de la frontière avec la Jordanie. Donc le prophète a ordonné à tous les compagnons de sortir donc pour jihad fi sabilillah. Ils sont tous sortis, donc sauf les hypocrites, les gens qui avaient des excuses, les femmes, et il y a 3 personnes qui ne sont pas sorties avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sans excuses. Il y avait Ka'b ibn Malik, il y avait Hilal ibn Umayya wa Mararatu ibn Rabi'a. 3 personnes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de la bataille, les hypocrites sont venus, ont donné des fausses excuses au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors que la vraie excuse c'était leur manque de foi. C'est ça qui les avait empêchés de se rendre à la bataille de Tabouk. Et lorsque Ka'b est arrivé et les deux autres compagnons, ils ont expliqué la vérité qu'ils n'avaient aucune excuse pour ne pas s'être rendu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cette bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Imdi hatta yaqdi Allahu fi amrik. Va jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de ton avenir. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'éloigner de Ka'b et de ses deux compagnons pendant 50 jours. Pendant 50 jours, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne parlait plus à ses 3 compagnons. Surtout Ka'b, il sortait beaucoup, les autres ils étaient encore restés chez eux. Ka'b il sortait, il disait salam alaykoum et personne ne lui rendait salam pendant 50 jours. Plus encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la fin, il a même ordonné à la femme de Ka'b de quitter le foyer. Il n'a pas fait ça pour les deux autres car ils étaient âgés. Tout ça pour que ils se répandent de ne pas s'être rendus à la bataille. Jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, au bout de 50 nuits, fasse descendre le repentir de Ka'b. Laqad taaba Allah. Donc Allah il les a pardonnés. Il leur a pardonné. Bref, ce qui nous intéresse, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala s'est éloigné de ces personnes-là pendant 50 jours. Également Abdullah ibn Omar, radiallahu anhuma, il a rapporté un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est La tamna'u ima Allah ima sajid Allah. N'interdisez pas aux femmes de se rendre à la mosquée. N'interdisez pas aux femmes de se rendre à la mosquée. Lorsque la femme veut se rendre à la mosquée, le mari ne doit pas lui interdire de Siran. Le fils de Abdullah ibn Omar, qui s'appelle Bilal, il a dit « Wallahi la amna'uhunna » Il a dit « Par Allah, je leur interdirai » Abdullah ibn Omar, en entendant son fils dire cela, il s'est mis dans une grande colère. Il a insulté son fils. Dans une autre version, il lui a dit « La'anaka Allah, qu'Allah te maudisse » et il ne lui a plus parlé jusqu'à la mort. Pourquoi ? Parce qu'il a contredit un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si, comme on a dit, si la cause est une cause religieuse, la personne peut s'éloigner de son frère pendant un nombre supérieur à 3 jours. Mais le fait de s'éloigner de son frère, il faut qu'il y ait en cela un bénéfice, un bien. C'est-à-dire, si toi tu t'éloignes de ton frère et cela n'arrange rien, que cela ne le ramène pas vers Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, tu ne dois pas t'éloigner de lui, mais tu dois rester avec lui et le conseiller. Donc le musulman, il observe et il voit, est-ce que si je m'éloigne de cette personne, est-ce que cela va être bénéfique pour lui ? Par exemple, quand est-ce que le fait de s'éloigner d'une personne est c'est bénéfique ? Par exemple, le père qui s'éloigne de son fils, comme ici avec Abdullah ibn Omar, le frère qui s'éloigne de son propre frère, le cheikh qui s'éloigne de son élève, le mari qui s'éloigne de sa femme. Ou bien, ça dépend des situations. Il y a des personnes qui... Il y a des personnes... Si tu t'éloignes de lui, ça ne lui pose aucun problème. Au contraire, ça se trouve, ce sera pire encore. Que tu restes avec lui, c'est peut-être mieux que si tu le délaisses. Donc la personne, elle observe, elle pèse le pour et le contre, et elle agit en fonction de cela. نكمل بجملة أخيرة ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ثبت كذلك في حديث آخر عند الصحيحين ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا لا يبيع المسلم على بيع أخيه ولا يخطب على على خطبة أخيه على خطبة ولا خطبة على خطبة أخي الشكل الصحيح هو الخطبة من خطبة النساء كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة الخطبة هي خطبة الجمعة والخطاب أما تسمى خطبة لما يأتي شخص للتقدم أمام فتاة من الفتيات تسمى خطبة فلا يبيع المسلم على بيع أخي ولا يخطب على بيع أخي إلى أن يأذن له نهى النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن بيع المسلم على بيع أخي شنو معنى بيع المسلم على بيع أخيه؟ الآن زيد اشترى هذا الجهاز من عمرو بمئة يورو اشترى فأنا أتي للزيد فأقول له رد هذا الجهاز لعمرو وأنا أبيعه مثله بـ90 أبيع لك مثله بـ90 هذا هو البيع على بيع أخي أنا أبيع على بيع أخي عمرو أو مثلا يعني لم يحصل عقد البيع مجرد اتفاق ما يسمى بالركون ركن هذا لأني كان قريب من الشراء فأنا أتي للزيد فأقول له لا تشتري أنا أبيع لك بأقل أو أبيع لك جهازا أحسن بـ100 مفهوم؟ فهذا هو البيع على بيع أخي وهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الشراء على الشراء الأخ شخص يشتري زيد يشتري هذا الجهاز من عمر بـ100 فأنا أتي لعمر فأقول له يعني استرد جهازك وأنا أشتري منك بـ110 أو أكثر الشراء على شراء المسلم كل ذلك منهي كل ذلك منهي وحرام لأنه كما قلنا يؤدي إلى العداوة والبغضة والشحنة بين المسلمين فكل ما يؤدي إلى ذلك فهو محرم في ديننا الإسلامي Donc on va finir par une dernière phrase et on finira la semaine prochaine le hadith. Le prophète il nous dit également Ô serviteurs d'Allah, soyez des frères le frère du musulman, il n'a pas traduit ça. Le musulman ne doit pas acheter sur l'achat de son frère. On va traduire cela, c'est pas très clair. Ne doit pas acheter sur l'achat de son frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un musulman qui s'appelle Zayd a acheté cet appareil à Amr pour 100 euros, par exemple. Moi, je vais voir Amr, je vais voir Zayd plutôt. Je lui dis, rends cet appareil, je te vends le même pour 90. Ou bien je te vends un meilleur appareil pour le même prix, pour 100, afin qu'il vende et que moi je tire bénéfice de cela. Cela est interdit. Ou bien, même avant la vente, admettons une personne elle est intéressée par un produit qui a une sorte d'entente entre le vendeur et l'acheteur et que moi je fais la même chose. N'achète pas chez lui, viens acheter chez moi, je te vends la même chose pour moins cher ou bien meilleur pour le même prix. Cela est interdit. Pareil pour l'achat de son frère. Admettons une personne elle a acheté une telle chose, je vais voir le vendeur, je lui dis, reprends ta marchandise, je te l'achète pour plus. Ça également c'est interdit. Et dans notre hadith, on dit wala yartobu al muslimu ala khitbati akhi. Le fait également d'aller demander en mariage une sœur, je sais qu'un tel, que Zayd l'a déjà demandé en mariage, qu'ils sont seulement en attente pour officialiser le mariage, ça c'est interdit. Tu sais qu'une sœur, quelqu'un, il est passé pour la demander en mariage et qu'ils se sont mis d'accord, tu n'as pas le droit de te rendre également pour la demander en mariage. Donc si tu sais qu'il n'y a pas eu d'entente, tu peux y aller. Mais si tu sais qu'ils sont en train de finaliser les choses pour officialiser le mariage, tu n'as pas le droit de te rendre. Illa ani adhanala. À moins que Zayd, el khatib ou el khatib? Khatib. Hein? Tu peux le khatib ou le khatib? El khatib. Il y a des gens qui regardent, ils disent khatib ou le jumu'a. C'est un khatib. كان نقوله خطيب والجمعة أما الخطيب هو اللي كيخطب المرأة للزواج نعم المرأة تقول خطيبي ها أي خطيبي خطيبي هذا خطأ كان نقوله خطيبي وهي مخطوبة donc on n'a pas le droit à moins que la personne donc autorise c'est pas moi je veux Zayd il est parti demander la main d'une sœur et que moi je veux lui demander sa main et qu'ils ne savent pas s'ils vont se marier, je vais demander à Zayd, est-ce que je peux également postuler donc pour ce... et s'il me donne la permission, je peux y aller. Fatah me dit, illa an ya'dhana lahu wa nukmilu al-hadithu al-usbu' al-qadim bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je mets le gaz du mois.